Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est le docteur Disco qui vous parle et qui va consulter pendant 30 minutes. Au programme, aujourd'hui, la découverte. On va s'écouter pour commencer Denny Fallon et son titre Doctor Feel Cool. Pour le coup, alors je n'ai absolument, mais alors absolument rien trouvé sur ce dernier et je vous promets que c'est pas faute d'avoir cherché. Par contre, j'ai trouvé le morceau tellement bien que je me suis dit je peux pas vous laisser passer à côté de ce titre. Donc je vais vous le diffuser et on va démarrer sur les chapeaux de roue. Step into the night through the magic unfold. Doctor Feel Cool. Smile, he's got the cure. Dance to the rhythm, let your worries obscure. From the rooftops down to the bay, he's got everyone grooving night and day. In his white coat and shades, a sight to behold. With every move he makes, the crowd gets bold. Dr. Feel Cool knows what you need. Grooving so smooth like a dream, no fear. Let the beat take your soul to new heights with Dr. Feel Cool. Everything feels right. No prescription, just a touch of his vibe. Feel the energy as it starts to imbibe. He's the healer of the night under city lights. With every groove he brings pure delights. When the world feels heavy and you can't go on, Dr. Feel Cool's beat will keep you strong. Step by step, lose yourself in the beat. With him guiding you, it's a musical beat. Dr. Feel Cool knows what you need. Grooving so smooth like a dream, no fatigue. Let the beat take your soul to new heights. With Dr. Feel Cool, everything feels right. Aux 100 hits qui ont fait le disco. C'est au tour des Bee Gees d'être sous les projecteurs avec Staying Alive. Tony Manero marche dans les rues de Brooklyn avec sa chemise rouge, sa chaîne en or et son brushing impeccable. C'est ainsi que va débuter le film Saturday Night Fever, avec en fond le titre Stayin' Alive. La bande originale du film n'est pas encore choisie quand le manager commande aux frères Gibbs des titres en vue d'un film sur le disco. C'est en banlieue parisienne que des démos de How Deep Is Your Love, More Than A Woman, Night Fever, Stayin' Alive et If I Can't Have You sont enregistrés. Le texte raconte l'histoire d'un homme qui trouve dans la danse et les femmes le moyen de survivre dans l'hostile jungle urbaine new-yorkaise. Ce hit illustre la foi d'un groupe qui reste vivant grâce au disco après plusieurs échecs commerciaux. C'était en 1977 et ça donnait ça. New York. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Pour l'instant français, j'ai envie de réécouter un tube de Cérone, Super Nature. Bon alors, tout le monde connaît, c'est évident. Il date de 1977. Voilà, pour ce nouveau titre, Cérone souhaite s'emparer du thème des progrès scientifiques et technologiques dans ce qu'ils ont de fascinant, mais aussi d'effrayant. Selon lui, la nouvelle réalité permise par le progrès, qui fait reculer la limite du possible, se rapproche de la science-fiction et atténue les limites entre le bien et le mal. Tout un programme. Cérone estime que l'homme doit sa survie à sa capacité à s'adapter aux changements qui lui sont imposés, et ceux-ci s'accumulent à une vitesse effrénée dans les années 1970, à tel point que l'artiste considère que l'homme doit devenir une super nature pour s'y adapter. Bon, alors, je vous passe tous ces délires avec les bébés éprouvettes et tout ce qui va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter ce tube légendaire. ceux qui, Estelle, qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le clip sur YouTube, par exemple. Et il est très spécial pour l'époque, avec des hommes, avec des têtes d'animaux qui courent un peu partout dans le désert avec des grandes blouses blanches. Ça avait, c'était révolutionnaire pour les années 70. Bon, du coup, maintenant, on va passer au maxi. Et pour ce maxi, j'ai choisi un groupe fraîchement découvert. Et puis, bien sûr, il est déjà dans le maxi. Quelle promotion! Alors, c'est Odyssey & Co. et leur titre « It's On ». Le titre, il date de 1983. C'est toujours du bon son, comme ils savent si bien le faire. Alors, il y a deux versions sur le 45 tours paru à l'époque. Et devinez celle que je vais vous présenter. C'était en 1983, et ça donnait ça. Girl, it's on. Il reste encore la pépite. On va se diriger vers Billy Ocean et son Love Zone. C'est le titre de l'album dont est extrait la chanson et qui date de 1986. Alors il sera classé dans le top 10 US durant cette période. L'album sera d'ailleurs un énorme succès commercial car il sera classé deuxième des ventes aux États-Unis et sixième en Angleterre pour un peu plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Alors, l'album sera aussi nommé aux Grammy Awards. Alors, il y a un extrait qui est super connu de cet album. L'extrait, c'est « When the going gets tough ». Mais allez, c'est parlé, place à l'écoute. Comme le temps passe vite, nous sommes déjà au terme de notre émission. Alors, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est le dernier samedi du mois de janvier et qu'en dernier samedi, c'est la saga et ça sera une saga un peu particulière. Comme je vous l'ai indiqué avant Noël, je vais faire Cool on the Gang, mais je vais faire cette saga en deux parties. Première partie, la semaine prochaine et la seconde sera diffusée sur les antennes de Fadjet fin février. Et entre temps, n'oublie pas qu'il y aura les 40 ans de Fadjet le 7 février. Enfin, le week-end du 7 février, il y aura que du live et que des surprises. Et le Dr Disco interviendra en live, bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.